Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. La relation herbivore-plante résulte souvent en une série d'adaptations que l'on peut décrire comme une coévolution. Les herbivores exercent une forte pression sélective sur les plantes. Celles-ci s'adaptent de façon à pouvoir lutter et survivre. En réaction, les herbivores acquièrent aussi des adaptations afin d'être en mesure de se nourrir plus facilement. Mais en examinant les mécanismes des herbivores, Philippe Rioux s'est posé la question, les herbivores en sont-ils vraiment? Alors Philippe, répond à la question. Philippe. Donc, quand on veut catégoriser les différents régimes alimentaires présents dans le monde animal, on utilise des termes comme carnivore, omnivore, herbivore, insectivore, granivore, fruitivore. Mais disons que pour les carnivores, c'est assez clair. Ils mangent de la viande et ils en retirent les nutriments nécessaires pour grandir et être en santé. Donc, une digestion directe des viandes et des matières grasses qui sont ajoutées à leur organisme. Ils veulent, dans le fond, ils sont faits de gras et de muscles et ils mangent du gras et du muscle. Donc, ça, c'est assez simple pour les carnivores. C'est ça. Mais en ce qui concerne les herbivores, cette logique-là ne s'applique pas. Une vache, en fait, ne mange pas de viande, mais est pourtant constitué de viande. Alors, j'imagine qu'il y a d'importantes transformations qui doivent s'opérer, notamment en ce qui concerne les protéines, peut-être? Oui, pas seulement pour les protéines. Les protéines, c'est en soi, un système assez compliqué, surtout au niveau de certains herbivores, mais d'une manière, en fait, les herbivores se nourrissent un peu comme les plantes, dans le sens qu'ils fabriquent leur propre nourriture. Et les herbivores les plus, disons, spéciales, les plus spécialisés dans la technique de créer leur propre nourriture, on les appelle les ruminants. Alors, par exemple? Quelques exemples de ruminants que vous connaissez bien, la vache, le cerf, le mouton, la chèvre, le chameau, l'orignal, le buffalo, le bison, disons. Oui. Ce que ces ruminants-là ont en commun, puis pourquoi on les appelle les ruminants, c'est qu'ils ont comme première étape digestive une poche qui est appelée rumen, qui est en fait une partie d'un estomac normal qui est devenue, disons, exagérée. Et cette poche-là a comme but d'offrir à des micro-organismes des conditions de croissance idéales. Donc, il n'y a pas vraiment d'acide digestif, il n'y a pas d'enzyme digestive comme dans un estomac normal, parce qu'il faut dire qu'un estomac classique d'être humain, par exemple, a des conditions physico-chimiques vraiment agressives et peu enclins à la survie de micro-organismes. C'est ça. Mais pas du tout pour le rumen. C'est vraiment un endroit qui est fait pour encourager la croissance bactérienne. Et ainsi accumuler et transformer la matière végétale. Alors, Philippe, pourquoi une structure comme le rumen est nécessaire? C'est qu'en gros, les bactéries sont nécessaires en soi pour dégrader les fibres végétales et utiliser les produits de dégradation comme source d'énergie. Par exemple, si vous prenez un navet, dans un navet, il y a un peu de sucre, il y a de l'amidon, mais il y a aussi beaucoup de fibres. Mm-hmm. C'est pas le légume le plus nourrissant, en fait, pour nous. Mais en fait, c'est que dans notre cas, les fibres, nous, on n'est pas capable de les traiter. C'est ça, la cellulose. Exactement. L'humain et le porc, par exemple, parce que le porc a un système digestif vraiment similaire, si on leur donne du navet, on absorbe les glucides, on absorbe l'amidon, les autres nutriments, les minéraux, mais les fibres, ils passent tout droit, comme qu'on dit. Mm-hmm. Notre système n'est pas capable de les digérer. Mais certaines bactéries, champignons et levures sont capables de découper les récalcitrantes fibres avec des enzymes très spécialisées et très agressives en des morceaux utilisables. Et en ce faisant, les bactéries se reproduisent, croissent, génèrent des protéines bactériennes, des membranes lipidiques pour, dans le fond, former leur propre structure vivante. Et tout ça, c'est tout à fait digestible pour n'importe quel système digestif. Donc, c'est un peu comment ça fonctionne. C'est permettre la croissance bactérienne dans des fibres pour ensuite se nourrir des bactéries. Exactement. En fait, pour se nourrir du... Oui, c'est ça. Alors, mais est-ce qu'on pourrait dire à la limite que les ruminants sont des bactérivores plutôt que des herbivores? C'est d'une certaine manière, oui, parce que quand on parle de nourriture, quand on parle d'herbe ou de fourrage, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des glucides, il y a des fibres. Donc, dans une certaine mesure, les vaches sont en effet... bactérivores et d'une autre manière sont plutôt herbivores classiques dans le fond. Mais cette capacité que les ruminants-là ont à fonctionner à partir de plantes fibreuses est vraiment un atout très important, que ce soit dans un milieu naturel ou en production animale. Parce que dans la nature, ça permet aux ruminants de se nourrir de presque à l'année d'herbes, de pousses, de feuilles, de choses qui n'ont pas vraiment beaucoup de valeur. Ça, entre autres, ça permet aux bisons, à l'orignal et aux cerfs de survivre à des, sur des sources alimentaires qui n'intéressent personne d'autre, en fait, sauf les ruminants. C'est un fait. Donc, c'est ainsi que, en fait, à peu près n'importe quoi qui pousse au sol, pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses qui poussent au sol, un ruminant peut survivre à partir de ça. Mais si, si on regarde la courte liste des ruminants que tu as énumérés, on retrouve le mouton et la chèvre. Mais si je me trompe, ce sont des espèces que l'homme aurait aussi domestiquées. Est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec le fait que ce sont des ruminants, justement? Oui, tout à fait. C'est là, dans le fond, le lien. Les premiers animaux qu'on a réellement domestiqués, ce sont tous des ruminants. Parce que, si on regarde, il y a trois modes de survie pour l'homme préhistorique qu'il pouvait vraiment utiliser. Préhistorique et début de l'histoire, disons. Il peut faire de la chasse, il peut faire de l'agriculture, et il peut faire aussi de l'élevage nomade, principalement et presque exclusivement de ruminants. Que ce soit un fermier en Écosse avec son troupeau de moutons ou en Mongolie avec son troupeau de bovins, suivre un troupeau de ruminants et se nourrir de leur viande, de leur lait, c'est une stratégie très intéressante pour survivre. L'avantage des ruminants, c'est qu'ils se nourrissent de plantes que l'homme ne peut tout simplement pas utiliser. Donc, il n'y a pas de compétition alimentaire entre l'homme et le troupeau. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, avec un troupeau de porcs, parce que, dans le fond, presque tout ce que le porc peut manger, l'humain peut le manger directement. Donc, quelqu'un qui arriverait devant une source alimentaire se dirait, est-ce que moi je mange cette source alimentaire-là ou je laisse mon troupeau le manger? Alors qu'avec un troupeau de ruminants, c'est pas vraiment une question qui se pose, en fait. Oui, en fait, on pourrait dire que c'est une excellente stratégie alimentaire, finalement, que l'homme adoptait à son avantage, en fait, d'élever des animaux qui utilisent une source d'énergie qu'eux-mêmes ne peuvent utiliser directement. Oui, oui, tout à fait. Et même dans notre monde moderne, en fait, ça a une importance. Mm-hmm. Mais avec tous ces, en fait, les développements qu'il y a eu en agriculture, cette notion de compétition alimentaire est-elle toujours d'actualité? Plus ou moins, ça dépend de quel domaine d'agriculture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'élevage laitier, qui est une forme d'élevage extrêmement intense au niveau métabolique, les rations ne sont pas uniquement composées de plantes fibreuses. Il faut, entre guillemets, les booster avec des rations qui contiennent des choses plus facilement assimilables, plus rapidement assimilables. Mais il reste que les ruminants seront toujours plus en mesure d'utiliser des plantes pauvres. La question devient alors, est-ce que c'est mieux de faire pousser du maïs pour nourrir des porcs, pour ensuite se nourrir des porcs, ou tout simplement manger le maïs directement? Mm-hmm. Et là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais pour les ruminants, le problème est vraiment plus simple, parce que, comme pour les Mongols des steppes, s'il y a de l'herbe au sol, il est tout à fait logique de laisser les ruminants se nourrir de l'herbe et ensuite de manger l'animal, puisque on ne peut pas manger d'herbe. Mais du point de vue énergétique, j'imagine que ce serait mieux si l'humain mangeait directement le maïs plutôt que le donner aux porcs qui nourriront les humains. Qu'est-ce que tu en penses? Si on regarde de manière froide, oui, parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie autre que juste du maïs. Ça demande de l'eau, ça demande du pétrole, tout ça. Mais on compare quand même un petit peu des pommes à des oranges parce que du maïs, d'un point de vue nutritionnel, c'est beaucoup plus pauvre quand même que de la viande de porc. Okay. Parce que la viande de porc est très riche en gras et en protéines, qui sont des choses vraiment essentielles et qui ont une meilleure valeur nutritive pour nous. Donc, il faudrait manger beaucoup plus de maïs. Que dans le fond, c'est que si vous avez un kilo de maïs ou un kilo de porc, vous êtes mieux d'avoir un kilo de porc. Mais ça, c'est plus nutritif. Exactement. Le rapport est pas vraiment avantageux du point de vue de ces exploitations-là. C'est un peu un caprice de goût qu'on fait que de faire du maïs et ensuite nourrir du porc avec ça et se nourrir du porc. OK. Alors, et présentement, où est-ce qu'on en est avec l'élevage des ruminants? Ben, c'est sûr qu'il y a l'élevage intensif qui se fait au niveau de la viande, au niveau des produits laitiers. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent, qui reviennent un peu plus à des cultures ancestrales. Par exemple, il y a des troupeaux de ruminants qui se développent autour de l'élevage en liberté sur les plaines américaines. Donc, conceptuellement, ça revient un peu à se nourrir à partir d'un troupeau de bisons en liberté, sauf que là, on sait où est le troupeau. Donc, c'est un peu de la chasse facile, mais on laisse les animaux manger et se nourrir d'herbes dans les champs, paître dans les champs, et ensuite on va récupérer la viande et tout ça. Donc, c'est vraiment pas très loin de ce que les Amérindiens faisaient il y a des milliers d'années et qui ont fait pendant des milliers d'années. Disons que je dirais que les champions de cette technique-là, ce seraient les Mongols qui ont d'ailleurs pu conquérir l'Europe entièrement en suivant ce genre de régime de vie-là en suivant, en ayant dans le fond leur troupeau de ruminants, en se nourrissant de leur lait, de leur sang et de la viande qu'ils pouvaient générer. Et ça leur permettait en fait d'être aussi une armée très mobile, puisque il n'y avait que des animaux avec eux, donc ils pouvaient, il y avait dans le fond leurs moyens de transport et leur nourriture sur quatre pattes. C'est ça. Donc c'est une bonne manière d'être très mobile. Puis la nourriture des ruminants, on la trouve partout. Exactement. Alors merci Philippe. Alors on va ruminer tout ça pendant la pause musicale et on va revenir après avec Jean-Daniel Doucet qui va nous parler de la chimie qui se cache derrière les remèdes de nos grands-mères pour soigner le rhume et de leur efficacité. Alors je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1.